Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on va continuer à appeler les gens pour savoir combien de fois par jour ils pensent au sexe, c'est bien ça? Exactement, parce que donc en fait je suis tombé sur cette petite étude qui explique que donc en fait les hommes penseraient environ 18 à 19 fois au sexe et les filles seulement 10 fois. Mais non, j'ai des doutes. Mais c'est parce qu'ils osent moins le dire, c'est pour ça. Mais voilà, et donc c'est pour ça que moi je vais aller vérifier très ça bien en Belgique hein, pour voir si elle ne fait pas exception à cette règle. Allez, on y va, on appelle à Courcelles maintenant. C'est parti. Accident R3, ring de Châtelet. Hello ? Oui, bonjour madame. Oui ? Oui, voilà, en fait je vous appelle parce qu'il y a une petite étude américaine qui dit que les femmes penseraient à peu près 10 fois au sexe par jour. Et je voulais savoir combien de fois vous y pensiez. C'est une blague ou quoi ? Ah, pas du tout madame. C'est une étude très sérieuse américaine. Et vous êtes qui ? Je suis Toff. Ah, ça ne doit plus vous réveiller les gens à cette heure-ci ? Bah oui. Et donc plutôt 10 fois ou plutôt 15, un peu moins peut-être ? Mais ça ne vous regarde pas, monsieur. Bah si, sinon je vous appellerai pas. Bah non. Bah si. On a une d'affaires. Bah oui, alors à peu près combien ? Ça ne vous regarde pas, je vous ai dit. Ah bah ouais, c'est arrangé hein. On va directement la rappeler, elle avait l'air en tellement grande forme ce matin là. Retour à Courcelles. En v'là une d'affaires. Allô ? Oui, excusez-moi, j'étais avec votre femme, on a été coupé. Oui, c'est pourquoi ? Bah, en fait, c'est une étude américaine qui dit que donc les femmes pensent... Écoutez, monsieur, on n'en a rien à battre des études américaines, alors vous me laissez tranquille, ça va ? C'est pas sur ce qu'on réveille les gens, de toute façon, c'est pas un problème, vous faites une étude avec qui vous voulez, et vous oubliez mon numéro de téléphone. Et vous y pensez combien de fois par jour au sexe ? Bon, tu demanderas à ta femme, ça va ? Quelle répartie, oh là là, quelle répartie. Mais il avait l'air tellement grande répartie qu'on va la rappeler encore une fois, tiens. Ça serait bien qu'on tombe sur madame. Allô ? Oui, excusez-moi, mais ça a encore coupé, j'ai pas eu votre réponse. Bon, écoute, mon vieux, tu travailles pour quelle société, toi ? Ben, c'est pas une société, je travaille pour moi. Eh ben, je travaille pour toi, ben, c'est ton autre travail, ça va ? T'as un très autre affaire que de casser les pieds aux gens, c'est aussi ? Bah, non. Allô ? Oui ? Oui. Tu réponds ? Bah oui, je disais que non, je n'avais rien d'autre à faire. Non, t'as rien d'autre à faire, bah ça va, ok. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non. Je réponds encore une fois et tu verras quoi, d'accord ? Et je verrai quoi alors ? Bah tu verras. Bon bah à tout de suite alors. Ça va, à tout de suite. Avec ce suspense, on ne peut pas faire autrement que d'appeler une quatrième fois. C'est pas vrai, bah oui, mais attends. Les gens mais non, mais attends, il nous dit ah, appelle encore une fois, tu verras quoi. Bon, bah nous on veut savoir. Ouais, et puis moi je lui dis à tout de suite, donc on bah peut pas faire, tu vois, je veux dire, c'est la politesse. C'est ça. Tout de suite. Bon, allez. Tu viens d'apprendre la politesse. Oui. Bah, je suis là. Ah, ça va, ok. Oh, c'est tout. C'est tout. Oh, je suis très déçu là. Oh, déception totale du public. Oh là là. Oh là là là là. Quel dommage. Ah, déception totale. Il nous a fait tout un suspense pour ça. C'est ça, pour rien au final. En fait, il a dit il voulait dire que si Toff rappelait une fois, il se levait. Bah ouais. Bah écoute, il s'est levé apparemment. Mickaël à la radio. Le Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. Il fallait que je vous parle d'un truc. Cette nuit, je suis tombé sur une vidéo improbable. C'est une meuf qui veut participer à un casting de relooking parce qu'elle a un peu de mal à rencontrer des mecs. Alors, je vais la laisser se présenter. Écoutez, c'est assez particulier. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 40 ans, je suis originaire de Montcornet dans l'Aisne, en Picardie. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Donc elle est française. Oh, hein. Oui, j'ai oublié de vous prévenir qu'elle était du nord de la France. Hein. Mais vous on avez l'a pas... compris, t'inquiète pas. Ouais, ah bon, c'est au jamais. Mais vous avez pas encore entendu le problème de Cindy, car Cindy a un problème. Et je raconte beaucoup de gars par écrit, à beaucoup de prises de contact. Ouais, c'est mieux. Maintenant, je constate que dès qu'on passe à la vidéo, et ben quasiment instantanément, les gars ils coupent. Hein. Ah oui, bah, c'est... oui, elle devrait essayer juste par téléphone. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la vidéo le souci. C'est clair. En tout cas, elle en est persuadée. Hein. Alors, je sais pas si c'est des gars qui voudraient que je leur montre mes gougoutes dès le premier rendez-vous, mais moi, je suis pas une fille comme ça. Hein. Qu'est-ce que je lui montre? Mais quoi? C'est Gougoute, voilà. Mais heureusement, elle a ses copines pour la soutenir et ça c'est beau, heureusement. Heureusement, l'amitié fait tout, l'amitié. Alors, bon, j'ai mes copines de l'association des Cougars Picards de la section de 50, hein, qui m'ont dit, Cindy, il faut te poser les bonnes questions. Oui, effectivement, je pense qu'il serait bon de te poser les bonnes questions, Cindy, hein, ça c'est... Voilà, donc c'est l'association des Cougars Picards. Oui. Je serais bien curieux de les rencontrer parce que ça doit être exceptionnel leur réunion. Bah, c'est du très très lourd. Hein. C'est comme quoi sur internet on peut tomber sur des trucs comme ça. Hop, on cherche une info et on se retrouve sur cette vidéo et on ne sait pas pourquoi. Ah, et oui, on arrive dessus comme mais... ça, c'est le hasard comme par hasard. Elle c'est une vraie psychopathe. Ah oui, elle, a, enfin, elle est au top quoi. Mickaël à la radio, le replay. Fun radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Exactement, oui, nous sommes en direct d'ailleurs du Power Gym. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, surtout n'hésitez pas, évidemment, c'est 69 rue de Nimi à Mons. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la suite du warm-up maintenant, évidemment, avec la déclaration express que nous allons écouter dans un instant. Déclaration express qui a été faite hier par Sébastien Loeb, évidemment. Donc si vous voulez vous aussi faire une déclaration express, on fera ça tout à l'heure, évidemment, en direct de Mons. Vous nous envoyez un petit SMS au 3044, vous débutez le message par déclaration ou vous faites un petit mail à Loeb directement, loeb@funradio.be. Voilà, on s'écoute maintenant la déclaration express made in Loeb maintenant sur Fun Radio. Nous allons accueillir maintenant Luciano qui est avec nous. Allô Luciano, comment ça va pour la déclaration express? Très bien. En pleine forme Luciano? Oui. Bon, très bien. Alors Luciano, déclaration express un peu particulière puisque d'habitude on appelle le mec ou la fille en plus, mais là apparemment tu es déjà avec ta copine dans la voiture, c'est ça? Ça fait. D'accord, ok. Mais quoi, vous allez bosser ensemble ou tu vas la déposer parce que t'as pas confiance en elle, t'as peur qu'elle aille à des endroits bizarres? Non, on fait l'amour dans la voiture, c'est tout. Ah oui, non, mais ça y peut après. Vous travaillez ensemble? Non. D'accord, mais t'es quand même avec elle dans la voiture? Oui. D'accord, pas de problème. Bah écoute, bon bah déclaration express pour... c'est comment elle s'appelle, elle? Audrey, d'accord. Bon, écoute, passe-la nous alors et puis nous on va démarrer directement. Hein. Voilà. C'est bah voilà. C'est quand ils sont là à l'administration, en fait, ils étaient tellement bourrés, ils ont oublié le A. Pourquoi? Non, le E. Voilà. Le E, pardon. Ah, d'accord, ok, il me semblait bien. Je me dis, tiens, pourquoi le E? Bon, Audrey? Voilà, mon cœur. Oh. Oui, allô. Oh, Audrey, bonjour, comment ça va? Ça va. Bon, écoute, il avait quelque chose à te dire justement. Écoute bien, attention. Avec moi, et que toutes les nuits je m'occupe de toi. Mitko. T'étais déjà maman quand je t'ai rencontré. Tant mieux parce que j'aime pas les coincés. T'es de la même région, je te connaissais de vue. Mais ce que j'avais repéré, c'était ton cul. Maintenant qu'on dort ensemble, je dois bien t'avouer que ça m'énerve de t'entendre ronfler. Tu n'as jamais voulu que je m'approche de toi quand t'étais retourné. Parce que tu me croyais pas et t'étais angoissé que je vienne à essayer de te sodomiser. Non, ça va, c'est bon. Loeb, merde, quand même, sans déconner quand même. Oui, c'est ça qui parle. Ouais, merci, top. Bon, Audrey, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette petite déclaration express après cette année de vie commune? Le début était beaucoup coupé, mais enfin la fin, à mon avis, je voulais m'apporter le début. Mais non, mais effectivement, mais tu aurais bien fait, cela dit. Hein. Abstinence, voilà, t'as qu'à lui dire ça, tiens, pour te venger. Voilà, tu vas voir, ça va lui faire les pieds à Luciano, là, je suis sûr. Bon, et eh ben Luciano et Audrey, passez une bonne journée tous les deux. Merci beaucoup, c'est gentil. Et eh ben je t'en prie, puis tu reviens quand tu veux, et vous revenez quand vous voulez tous les deux. À bientôt. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. De la rue Nimi, voilà, c'est 69 rue de Nimi. On est en direct de Mons dans la salle de sport, c'est la Power Gym. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Bon, évidemment, pour l'instant, il y a rarement des fous qui viennent à 6h22 faire du sport. Mais bon, cela dit, vous êtes les bienvenus quand même. Il y a plein de défis ce matin, en plus de la mini, évidemment. Bref, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants, dès que tous ces hommes musclés seront venus et que Julie va se dire mince, j'aurais dû venir aussi. Bref, on en reparle dans un petit instant. Bah, quoi, genre, tu ne regrettes pas d'être venu? venue, Julie. Ah si, bien sûr, je regrette. Mais il faut bien que quelqu'un reste ici pour tenir les commandes. Ben oui, bien sûr, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? C'est ça la grande question qu'on se pose, évidemment. Je ne sais pas. Bon, on va faire... Ben oui, je sais bien, oui. Bon, on va faire ça dans un petit instant, en tout cas. On va revenir en direct avec tout le monde ici, en direct de Power Gym. Donc, c'est 69 rue de Nimi à Mons. N'hésitez pas à venir. Et la suite du replay maintenant, c'est avec la ligne anti-relou. C'était hier les meilleurs moments et Dieu sait qu'ils étaient lourds hier. Le 0473 86 0013, la ligne anti-relou maintenant, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. Et c'est l'heure maintenant d'écouter les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 0013. Numéro qui est là pour vous éviter justement de croiser des relous et de les avoir sur le dos pendant plusieurs heures, voire jours même. Retenez bien le numéro 0473 86 0013 avec une ligne anti-relou très très lourde ce matin. Écoutez le premier message. Ouais, salut Christine. Comment dire? Tu m'as lancé là, hein? C'est bien d'allumer les gens au boulot, de me dire ouais, viens. Hein, mais là, je suis devant chez toi, tu as l'adresse que tu m'as donnée. Ça fait 2 heures que je sonne, puis je t'apprends, je t'appelle, tu réponds pas, tu reçois la boîte à message. Bon ben, tu n'es pas me soucier, tu me le dis, hein? Ah mais ils sont taqués, ce truc de dingue. Oh bah tu veux pas me sucer, tu me le dis et je me casse. Non mais sans déconner quoi, ils sont au taquet. 0473 86 0013, deuxième message. Ouais Mélissa, c'est Chris. Bah écoute, tu m'as donné ton numéro quoi, au Fiesta l'autre fois là. Voilà, j'attends toujours que tu m'appelles. Je voudrais lâcher ton minou quoi. Je suis un spécialiste de l'échappe de minou. Yes. Eh ben écoute, ça donne envie aux filles d'appeler ce genre de truc. Ah oui, alors s'il est spécialiste, je vais l'appeler. Eh ben oui, si votre chat ne sait plus faire sa toilette, contactez-le. Exactement, le spécialiste. Allez, dernier message pour Storcy en tout cas. Oui, Sandra, c'est Tony ici. Hein. T'avais dit que j'aime bien te reprendre la chanson. Hein. Tu vois, t'as un ami là, tu vois. Ben, je vais te le faire en beatbox. Tu vas voir, tu vas apprécier. Mesdames et messieurs, la nouvelle star. En fait, c'est pas du beatbox, c'est du beatbox. Ben voilà, écoute Sandra, j'espère que t'as aimé cette chanson et que voilà, tu pourras me rappeler. Bisous, à bientôt. Eh ben voilà, on aura adoré, moi je suis sûr. Ah bah ouais, je pense aussi, ouais. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut.